1, 2, 3. 1, 2, 3. Test Ken. Vas-y, Jean-Pierre, parle pour moi. Test 1. NJ parle. Test. Shopping. Info. Blue. Réflexion. Ok, c'est bon. On passe tous les deux ensemble. Donc, moi, je parle NJ. Toi, tu parles aussi. Parle NJ. Parle en même temps pour voir ce que ça donne. Est-ce que tu m'entends? Ce que j'avais à dire, c'est que chez toi. Je ne suis pas d'accord, mais je suis d'accord. Mais comment se fait-il que tu ne sois pas d'accord? Je ne sais pas non plus, mais c'est tout ce que je cherchais. Non, c'est pas normal. D'accord, c'est bon. Ok.